un nouveau son, venu d'ailleurs, va pénétrer vos tympans. Puissance. Energy Force. Voyage. The New York Sound. Oubli. Music Radio. Rejoignez-nous dans l'autre dimension. The Penetrators with High Energy. Vous avez perdu le sens de la réalité. Show Business. Power. Calez-vous dans la musique de votre disque jockey. More music now.